Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 29 septembre 1883. Page 6, colonne 1. Chronique. Pour le Progrès de l'Est. La chronique, cette grande bavarde, à la langue longue et pointue, que l'on rencontre partout, qui passe son temps à courir de porte en porte, épier quelques nouvelles, surprendre quelques secrets, saisir quelques bouts de conversation pour ensuite livrer le tout à la publicité, a décidé de venir s'installer dans les colonnes du Progrès de l'Est. Il est surprenant qu'il ne l'ait pas encore fait. Mais les lecteurs du nouveau journal n'ont peut-être rien perdu pour avoir attendu. Du moins, c'est la prétention de la chronique. Il faut avouer toutefois qu'elle est un peu prétentieuse, la chronique. À l'en croire, rien n'est à son épreuve. Elle prétend tout connaître, tout savoir, enfin, rien ignorer et, ensuite, elle réclame le privilège de tout dire, de tout divulguer. Oh, la coquette! Cela s'explique car la chronique est une grande dame. Et nous savons tous combien les réticences fatiguent les dames. Donc, la chronique aime à parler, et elle parle sur tous les sujets. Histoire, littérature, science, philosophie, et tout est de son domaine. Elle s'attaque à tout, fait des compliments à qui les mérite, avertit charitablement ceux qui sont en faute, et jette le blâme aux coupables. Elle se plie facilement aux circonstances et se prête complaisamment aux différentes exigences de la société, de ceux qu'elle fréquente. Dans cette curiosité, son désir de tout apprendre et de tout rapporter, elle ne néglige jamais aucune occasion de se montrer ou d'aller cueillir çà et là de nouveaux faits à apprécier pour les faire servir à l'instruction et à l'édification du public. C'est pourquoi, grande dame, nous la voyons souvent revêtir ses plus beaux atours, s'envelopper de soieries, de perles et de diamants, prendre ses airs de haute dignité et gagner, en riches équipages, les salons du Windsor, du Meagher House ou de quelque autre somptueux palais pour assister aux soirées, aux festins et banquets que se paient les grands et les riches de la terre afin de nous faire part ensuite du spectacle, des discours et de tout ce qui s'y passe d'intéressant et de propre à exciter la curiosité des simples mortels. Mais, si nous la surprenons quelquefois à fouler des tapis de Turquie et des velours de Damas, nous la voyons aussi, de temps à autre, tirer péniblement de l'aile, descendre et aller s'attabler au modeste hôtel de Joe Beef, déguster un tantinet et casser avec lui le biscuit de la confraternité, afin d'apprendre et de recueillir, de sa propre bouche, des histoires merveilleuses qu'elle se hâte de raconter et qui font pâmer d'effroi ou d'admiration les naïfs et les badauds. C'est là sa vie et son agrément. Quoique d'un caractère naturellement folâtre et léger, elle se mêle assez souvent de philosophie à ses heures de loisir et ne manque jamais, sous les apparences du badinage, de dire des choses sérieuses et de grande vérité. Son but est de plaire et d'instruire, en se rendant aimable autant que possible, en faisant une foule de remarques qui doivent toujours être prises en bonne part. Comme le poète, sa devise est d'unir l'utile à l'agréable. Pour atteindre son but, elle voyage beaucoup afin de voir beaucoup, se repose peu, prend connaissance de tout et marche sans crainte. Sans peur comme sans reproche, elle file bravement son chemin, laissant en paix ceux qui sont dans la voie et prenant note des ridicules, des défauts et des écarts qu'elle aperçoit le long de sa route. C'est une abeille qui va, butinant de fleur en fleur, sans insulter personne, mais piquant de son dard aigu les méchants et les imprudents qui ont le tort de la méconnaître ou de lui refuser ses droits. Son rôle est immense, puisqu'il embrasse tous les sujets dignes de critique ou d'éloge. Bref, la chronique vient se nicher dans le nouveau journal avec l'intention d'étaler, aux yeux des lecteurs du Progrès, ses opinions sur une foule de matières au fur et à mesure que l'occasion s'en présentera. Pour cette semaine, la chronique ne dit rien de plus et se contente de souhaiter plein succès au Progrès de l'Est et désirant de voir ses lecteurs augmenter en proportion des efforts que les propriétaires font pour le rendre agréable et intéressant. Narimac.